La lutte contre le cancer est un enjeu de santé publique qui nous concerne tous. Grâce à une stratégie unique en France, la Fondation ARC initie et développe des voies de recherche révolutionnaires sur le cancer. En donnant les moyens aux chercheurs de trouver de nouvelles avancées majeures, nous pouvons sauver plus de vies. Dans ce combat, chaque geste compte. Soutenez la recherche sur le cancer. Faites un don à la Fondation ARC et réduisez votre impôt sur ifi.fondation-arc.org. La science CQFD, Natacha Triou. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le tabac. À l'échelle planétaire, il est la deuxième cause de décès. Comment faire reculer cette épidémie tabagique ? En France, il y a plus de fumeurs que dans la majorité des pays d'Europe. Le tiers de la population française fume, occasionnellement ou quotidiennement. Longtemps considéré comme une addiction mineure, on réalise qu'il s'agit du produit au potentiel addictogène le plus fort. Cigarettes, pipes, cigares, narguilés, sous quelque forme que ce soit, il est la première cause de cancer évitable en France et dans le monde. Il tue environ la moitié de ses consommateurs réguliers. Peut-on espérer parvenir en 2032 à la première génération sans tabac ? Tabac, pas de fumée sans feu. Henri-Jean Aubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université Paris-Saclay. Yves Martinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de pneumologie à la faculté de médecine de Nancy, président du comité national contre le tabagiste, le CNCT. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. En complément d'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter chaque jour pour notre live tweet où nous postons toutes les sources qui ont nourri cette émission. C'est dès maintenant @sciencecqfd. Jusqu'à 17h, nous déconstruirons quelques idées reçues sur la cigarette. Nous parlerons de ses effets sur l'organisme et sur l'environnement, des aides pour les personnes qui souffrent d'addiction au tabac et de l'efficacité des programmes de lutte anti-tabac. Pour commencer, quelles sont les conséquences de la consommation du tabac ? La question est posée en 1961, c'est notre archive du jour. Fumer ou ne pas fumer ? Et telle est la question que nous posons aujourd'hui, docteur, alors que depuis plus d'un siècle, l'usage du tabac sous forme de cigarette est devenu un besoin pour la majorité des individus. Vous avez raison de dire un petit peu plus d'un siècle. C'est en effet en 1850 qu'a été introduite pour la première fois la cigarette. Elle a été fumée pour la première fois en France. Bien entendu, le tabac était déjà utilisé auparavant sous d'autres formes. C'est en 1492 par Christophe Colomb que le tabac a été rapporté d'Amérique dans la vieille Europe. On l'a d'abord fumé en pipe. Puis, on l'a utilisé en prise. Le cigare a été utilisé ultérieurement et c'est en 1788, à Hambourg, qu'est apparu le premier fumeur de cigare. Et depuis très longtemps, on a observé les effets du tabac sur notre organisme et en particulier sur le système cardiovasculaire qui vous intéresse plus particulièrement, docteur. Parfaitement. Le tabac a une action pharmacologique et clinique absolument évidente. Sur l'appareil circulatoire, ce qu'il y a de plus net, c'est l'action hypertensive. Elle se produit, cette action, par un processus vasomoteur direct, c'est-à-dire par une action directe sur les artères dont la contraction est entraînée par l'usage du tabac, et sans doute aussi parce que nous appelons un mécanisme adrénalino-sécréteur, c'est-à-dire que le tabac agirait sur les glandes surrénales pour provoquer une sécrétion d'adrénaline qui, à son tour, provoquerait une vasoconstriction artérielle. Voilà notre archive de 1961. Notre vision du tabac a quelque peu changé, Yves Martinet. Oui, mais enfin, ça reste quand même intéressant. Par exemple, les complications cardiovasculaires ou les manifestations cardiovasculaires qui sont liées essentiellement à la nicotine, mais pas que, parce qu'il y a les particules fines, etc. Et on sait que la nicotine, qui est une drogue dure, quand on prend de la nicotine, j'ai un sujet qui est vierge, qui n'a jamais eu contact avec la nicotine, il y a tout de suite une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la pression artérielle. Donc ça, c'est pas faux, et clairement, c'est mieux connu maintenant. Henri-Jean Aubin, votre réaction aussi à cette archive? Ben oui, c'est, il me semble également que ce qui est dit est essentiellement juste. Et pour aller au-delà de ce que disait Yves Martinet à l'instant, on sait également que le fait d'arrêter de fumer a un effet inverse sur la fréquence cardiaque. Ça réduit la fréquence cardiaque. Alors peut-être que les mécanismes sont mieux compris aujourd'hui, mais moi je suis psychiatre et pas cardiologue, je vais pas trop me risquer là-dessus. J'ai appris dans cette archive que la première cigarette avait été fumée en France. C'est quelque chose que j'ignorais. Je ne sais pas d'où sort cette affirmation, mais voilà, c'est toujours un truc à connaître. Donc, historiquement, à partir des années 50, les cigarettiers savaient que le tabac était dangereux pour la santé. En fait, historiquement, dès que le tabac est devenu très manufacturé, le but a été de faire en sorte qu'on croie les cigarettes non dangereuses. Clairement. Et après, il y a eu des stratégies qui ont été développées. Il y a eu la stratégie avec le filtre, par exemple, les cigarettes fines, les cigarettes légères. Maintenant, on a le tabac chauffé. C'est une stratégie régulière de l'industrie du tabac. En fait, on a affaire, et vous avez parlé d'épidémie, et vous avez raison, c'est une épidémie industrielle mortifère. C'est-à-dire que, globalement, un fumeur sur deux qui fume toute sa vie meurt d'une complication liée au tabac. Et derrière, vous avez les intérêts de compagnies cigarettières. Alors, elles sont quatre dans le monde. Il y en a quatre, plus la Chine dite populaire, c'est particulier. Mais tout le reste du monde, vous avez quatre compagnies qui se partagent le marché et qui ont un objectif, vendre de la nicotine pour faire des profits. Et sur cette stratégie industrielle, Henri-Jean Aubin, en préparant cette émission, j'ai lu que le nombre de nouveaux cancers du poumon chez la femme depuis l'apparition des cigarettes light a augmenté environ de 5% par an. Oui, oui, ça c'est quelque chose d'en effet préoccupant. Il y a eu une augmentation vraiment importante du tabagisme chez la femme depuis plusieurs dizaines d'années. Alors il y avait une espèce de différence entre les genres dans beaucoup de comportements qui se sont atténués avec les années, parfois pour des choses bien, notamment le rapport au travail, et d'autres fois pour des choses plus regrettables, que sont notamment les comportements de consommation de substances toxiques. Alors, les femmes ont tendance à rejoindre en termes de fréquence de tabagisme les hommes, et ce sont des courbes qui semblent destinées à se croiser. Il y a une réduction de du nombre de fumeurs chez les hommes depuis, je sais pas, sans doute une vingtaine d'années, et inversement, une augmentation de la fréquence du tabagisme chez les femmes, avec un effet retard, une augmentation des conséquences pour la santé chez les femmes, et notamment le risque de cancer, c'est un risque qui est quand même pas mal retardé par rapport à l'initiation du tabagisme, souvent à l'adolescence. Donc il y a une réduction du nombre de cancers, à ma connaissance, chez les hommes, une augmentation chez les femmes, et en effet, le cancer du poumon semble rejoindre en fréquence le cancer du sein chez la femme. Alors pour poursuivre sur la prévalence, en France, il y a cette étude de Santé publique France parue ce matin. La consommation reste stable en France. En 2020, le nombre de fumeurs a augmenté à nouveau, avec plus de 30% des adultes qui fument occasionnellement et 25,5% quotidiennement. Yves Martinet, quel regard vous portez sur ces chiffres en tant que président du Comité national contre le tabagisme ? Ces chiffres sont intéressants, même s'ils sont décevants. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'évolution de la consommation de tabac, de la prévalence du tabagisme en France, ça diminue lentement au cours des années. Et puis, il y a des accélérations de cette réduction. Il y en a deux qui sont caractéristiques. La première, c'est le plan cancer 1 de Jacques Chirac, 2004-2005. Augmentation des prix, plus d'1,5 million de personnes qui arrêtent de fumer. Et à nouveau, lorsque M. Macron, notre président, a instaurer des augmentations de prix par le biais des taxes sur le tabac, on a vu une baisse de la consommation importante. Et maintenant, on a une stabilité des prix. Et c'est pour ça, on en parlera, j'imagine, plus tard, que parmi les mesures dont on peut espérer un effet bénéfique, il y a l'augmentation des prix par le biais des taxes. C'est ça que m'inspire cette courbe. Après, il y a une autre notion dont on pourra parler si vous le voulez, c'est que quand on regarde le tabagisme des jeunes à 17 ans, c'est ce qu'on appelle les enquêtes escapades, tous les jeunes Français font la journée citoyenne, eh bien, il y a eu une chute importante, vraiment très importante, de l'ordre de 7% de la consommation de tabac chez les jeunes de 17 ans, qui est actuellement un peu supérieure à 15%. Et donc, ça, c'est quand même encourageant. Henri-Jean Aubin, sur cette prévalence française. Eh bien, oui, ben je vais rejoindre ce que disait Yves et peut-être compléter à propos de l'enquête escapade et le tabagisme des adolescents. En effet, de façon régulière, il semble y avoir une désaffectation qui concerne le tabac, mais qui concerne également d'autres substances comme l'alcool et le cannabis. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très positif. Yves Martinet disait tout à l'heure qu'il y avait quand même des choses positives qui se passaient. Là, clairement, c'est extrêmement positif le comportement de nos adolescents. Et puis, pour l'évolution dans le temps de la prévalence du tabagisme en France, il me semble qu'il y a eu un événement qui est venu un peu casser les courbes, c'est la pandémie Covid, au cours de laquelle il me semble que beaucoup moins de fumeurs ont fréquenté les consultations d'aide à l'arrêt du tabac. C'était très clair là où j'ai travaillé, où on avait plus d'appels du tout pour une aide pour ce produit en particulier, pas pour les autres. Il y avait quelque chose de particulier avec le tabac, avec la motivation à l'arrêt du tabac au cours de la pandémie, quelque chose qui s'est effondré pendant quand même une période de 2 années. Donc je pense que ça doit avoir un impact sur la prévalence. Et bon, là, on sort de la pandémie et je pense qu'on retrouve des patients dans les consultations. Autant qu'avant, disons, dans les consultations d'aide à l'arrêt du tabac. Le tabagisme a un impact sur le raccourcissement important de l'espérance de vie, avec en France 75 000 morts chaque année. Yves Martinet, on peut continuer sur ses conséquences sanitaires. Est-ce que vous avez d'autres chiffres pour rendre compte justement de cette épidémie ? Eh bien, si on veut regarder de façon positive, parce qu'il faut toujours être positif, si vous aidez par votre émission, par votre action, par notre action à nous, si on aide des fumeurs à arrêter de fumer, un fumeur qui a 30 ans, qui arrête de fumer, gagne 10 ans de vie confortable. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Et en plus, les consultations de sevrage sont des consultations qui sont très peu coûteuses pour la société. Donc, il faut bien comprendre que la consommation de tabac, c'est un facteur de risque parmi d'autres. Vous avez le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, etc. Mais la différence, par exemple, avec l'hypertension et le diabète, c'est qu'on n'a jamais guéri un diabète, on n'a jamais guéri une hypertension. On contrôle. Tandis que là, l'arrêt du tabac, on supprime un risque. Et à terme, on supprime les conséquences de ce risque. C'est totalement différent. Henri-Jean Aubin. En effet, j'ai pas de commentaire particulier pour faire suite à ce que vient de dire Yves. En tout cas, oui, ce que vous dites sur l'espérance de vie, quelqu'un qui fume toute sa vie perd 10 à 20 ans de qualité de vie, donc quelqu'un qui arrête de fumer regagne ces 10 années. Pour parler de cette nocivité, la nicotine présente dans le tabac favorise l'addiction, mais elle n'est pas cancérigène. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la nicotine, Henri-Jean est peut-être plus compétent que moi dans ce domaine. Je ne pense pas que ce soit un facteur de cancer. Oui, Jean. Il y a des études in vitro, dans des modèles qui sont très très loin de ce qui se passe dans l'organisme humain, qui montrent que la nicotine pourrait favoriser dans certaines circonstances l'apparition de cellules cancéreuses. Est-ce que réellement la nicotine elle-même favorise le cancer telle qu'elle est consommée par les hommes, c'est pas démontré. Je crois qu'il faut garder à l'esprit que la nicotine, il vaut mieux ne pas en consommer, a sans doute un impact vraiment très faible, un impact toxique très faible sur la santé. L'essentiel de l'impact nocif est lié à tout ce qui est autour de la nicotine et essentiellement ce qui est véhiculé dans la fumée de tabac, le monoxyde de carbone, un produit de la combustion, et également tous les goudrons dont beaucoup sont cancérigènes et toxiques pour l'arbre respiratoire. Oui, ça a l'air que si on voulait essayer de faire des cigarettes réellement moins nocives, ce serait pas possible. Tant qu'il y a la combustion, ça c'est sûr que c'est pas possible. Reste les histoires de tabac chauffé donc, auquel tu faisais allusion. Yves, je connais pas très très bien ce dossier, mais ce sont quand même des produits qui restent toxiques. Alors, l'industrie du tabac reprend ses vieilles habitudes et propose une réduction de risque en consommant du tabac. Je ne parle pas de cigarettes électroniques. Hein. En consommant du tabac et propose de remplacer le tabac fumé par le tabac chauffé. Vous avez un petit dispositif qui est comme un gros stylo. Vous mettez dedans une mini cigarette avec un filtre. Et puis, le tabac est chauffé et vous inhalez. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de combustion vraie. Par contre, il y a une pyrolyse de l'ordre de une température de l'ordre de 450 à 500 degrés. Et au cours de cette pyrolyse, il y a formation de produits plus ou moins toxiques. Globalement, si on compare la fumée du tabac fumé et du tabac chauffé, il y a des différences de composition, mais tout porte, les recherches indépendantes portent à conclure qu'il n'y a pas de réduction de risque pour l'usager. Très bien, oui, le principal coupable finalement dans une cigarette, c'est vraiment l'oxyde de carbone. Ah non, il n'y a pas que ça, non. Non, sur justement les compositions, les composants toxiques, l'impact sur la santé de ces différents composants. Alors vous avez en gros, on classe toujours les quatre principaux qui sont d'abord la nicotine, Jean Aubin en a parlé. Après vous avez le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone c'est un gaz incolore, inodore et mortel. Et donc on en inhale de bonnes quantités quand on fume et ça a des conséquences cardiovasculaires qui sont clairement démontrées. Après vous avez les substances irritantes. Alors c'est des noms horribles que je n'apprends pas par cœur. Ce sont des substances qui vont se traduire par une irritation de l'appareil respiratoire et avec la conséquence qui est la bronchite chronique et emphysème. Et puis vous avez les goudrons qui ont été évoqués, les goudrons qui sont une grande catégorie de produits et qui sont, eux, cancérigènes. Comment mieux connaître le tabac et ses effets sur l'organisme, en particulier comment comprendre son mode d'action sur le cerveau, les mécanismes de l'addiction? Dans tous ces domaines, la recherche se poursuit. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h17 sur France Culture, c'est la journée mondiale de lutte contre le tabac. On en parle avec nos deux invités du jour, Henri-Jean Aubin et Yves Martinet. Nous venons de voir, le tabac a un impact important en termes de qualité de vie, avec une perte considérable d'années de vie en bonne santé, mais pas que. Henri-Jean Aubin, le tabagisme a un impact aussi sur la santé mentale. Quels sont ces liens entre tabac et santé mentale? Oui, alors ça c'est une question intéressante parce que pendant longtemps, les personnes qui s'occupaient de tabac et de santé mentale, et j'en fais partie, on pensait que le tabac était plutôt vertueux sur le plan neuropsychique. Autant le tabac clairement était nocif et très nocif sur le plan du cancer, du risque cardiovasculaire et respiratoire, sur le plan mental, eh bien la constatation, c'était qu'il y a beaucoup plus de fumeurs chez les personnes qui souffrent de pathologies mentales, dépression, schizophrénie, troubles anxieux. Et à peu près toutes les pathologies mentales sont associées à une prévalence très élevée, bien plus élevée du tabagisme, bien plus élevée que dans la population générale. Il y avait eu un autre constat, c'est que ces personnes avec une fragilité, disons, psychiatrique, quand elles manquaient de tabac, soit parce qu'elles essayaient d'arrêter de fumer, soit parce qu'elles étaient dans l'incapacité de fumer, avaient un syndrome de sevrage, des symptômes de manque particulièrement importants. Et ces symptômes de manque pour le tabac sont à expression psychique essentiellement, irritabilité, intolérance à la frustration, crise de colère, troubles de la concentration, anxiété et éventuellement humeur dépressive. Et enfin, ce sont des personnes qui avaient un taux de succès particulièrement faible quand elles essayaient d'arrêter de fumer. Donc, tout naturellement, je dirais intuitivement, l'ensemble des personnes qui s'occupaient du tabac chez les personnes ayant les troubles psychiatriques étaient persuadées qu'il y avait sans doute un effet antidépresseur et régulateur disons, vertueux sur le plan neuropsychique. Et puis il y avait, je pense, un biais de confirmation collectif qui fait que il a fallu beaucoup d'études qui montraient toujours la même chose. À l'arrêt du tabac, il y a une amélioration très rapide et à peu près constante de la dépression, de l'anxiété. Ça a été mesuré depuis longtemps, de façon répétée. Et pendant longtemps, on a ignoré ces faits qui vont tout à fait à l'opposé de l'idée que le tabac pouvait avoir un effet antidépresseur. Ensuite, on a pu avoir des cohortes chez les adolescents. On a pu regarder, finalement, en termes d'œuf et de la poule, quel est l'événement qui se produisait le premier, qui pouvait produire et qui pouvait prédire l'autre. Et on a pu montrer que chez les adolescents, le fait de commencer à fumer était prédicteur de l'apparition ultérieure de symptômes dépressifs, mais également d'idées suicidaires. Et l'inverse n'était pas vrai chez les adolescents. L'apparition de symptômes dépressifs ou d'idées suicidaires n'était pas prédicteur de l'entrée dans le tabagisme ultérieur ou de l'aggravation de la dépendance au tabac. Et donc, quand on a vu ça, on s'est dit que peut-être on prenait les choses à l'envers et peut-être que c'est plutôt le tabac qui aggrave les choses sur le plan psychique. Et en fait, il y a ce problème toujours de l'effet causal. Quelle est la causalité de la relation? Il a fallu qu'on ait, depuis peu, des études de randomisation mendélienne qui permettent de mieux estimer l'effet causal et qui ont confirmé que, en effet, il semble y avoir un effet causal du tabac sur le risque de dépression, de troubles bipolaires et de schizophrénie. Pour ce qui est du risque suicidaire, il y a des discordances dans les études de randomisation mendélienne. Oui, le lien de causalité n'est pas évident. Yves Martini, vous souhaitiez réagir? Ah oui, non, mais parce que ce que ne dit pas le professeur Henri-Jean Aubin, c'est que c'est ses travaux à lui qui ont permis aussi d'avancer dans ce domaine. Et moi, je suis direct. Vous êtes déprimé, vous êtes anxieux, arrêtez de cloper, vous irez mieux. Merci. On parle de l'impact sur la santé mentale, évidemment. On pense au cancer. C'est un fait avéré que le cancer du poumon est directement lié à l'usage du tabac. Par conséquent, il suffirait que les gens arrêtent de fumer pour que la prévalence de ce cancer se trouve totalement transformée. Mais Yves Martinet, pourquoi et comment le tabac cause-t-il des cancers ? Eh bien, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a d'une part les goudrons, qui sont des produits qui sont fabriqués lors de la combustion. Il y en a beaucoup moins lorsque le tabac est chauffé, mais il y en a un peu. Et puis, vous avez des produits qui sont à l'intérieur de la feuille de tabac. Vous avez les nitrosamines. Les nitrosamines sont des composés chimiques qui sont présents dans le tabac et qu'on va inhaler. Et il y a même des nitrosamines qui sont spécifiques du tabac. Donc, vous voyez, il y a à la fois des produits naturels dans le tabac et des produits qui sont créés par le processus de combustion. Et ça descend au niveau des poumons. Contrairement à ce qu'on croit, les filtres ne protègent pas. Je reparlerai des filtres tout à l'heure. Ils ne protègent pas contre le cancer. En fait, comme ils rendent la fumée un peu moins âcre, on a tendance à inhaler plus profondément. Et c'est pour ça qu'on a vu chez les femmes, lorsqu'elles ont commencé à fumer, commencé à fumer avec des cigarettes légères, dites légères, on pourrait en parler, dites légères et avec filtre, et elles ont présenté beaucoup plus d'adénocarcinome, qui est une forme anatomopathologique particulière de cancer du poumon et particulièrement difficile à traiter. Donc c'est pour ça que le filtre ne protège pas du cancer. Et les impacts du tabac sont à la fois sanitaires, mais aussi écologiques. C'est d'ailleurs la thématique de cette journée mondiale aujourd'hui. L'OMS s'intéresse à la culture du tabac et à son impact environnemental. La dimension écologique du tabac, Yves Martinet, c'est un aspect peu abordé et pourtant non négligeable. Oui, c'est important. Alors, on pense que cette dimension écologique, elle repose essentiellement dans les pays africains. Vous savez, c'est en Afrique essentiellement qu'on cultive du tabac. Et c'est une raison de déforestation parce qu'il faut beaucoup de terrain et il faut sécher le tabac. C'est aussi une raison d'appauvrissement des sols, etc. Mais même actuellement en Italie, c'est le pays européen où on produit le plus de tabac. Vous avez des immigrés et parfois des enfants qui sont exploités dans des fermes qui cultivent du tabac. Et l'Union européenne, dans le cadre de la politique agricole commune, soutient financièrement encore la culture du tabac. Donc on a vraiment un retard de ce côté-là par rapport à la culture du tabac, au moins en Europe. Alors après, au point de vue écologique, on peut parler, si vous le voulez, du filtre. Le filtre, c'est pas un produit naturel, c'est de l'acétate de cellulose, c'est un plastique. C'est le premier ou le deuxième polluant plastique de la Méditerranée. Ça se dégrade comme les autres plastiques, donc pas du tout ou très mal. Et en plus, le filtre, il a une caractéristique. Si je jette ma bouteille plastique, c'est du plastique. Mais quand je jette mon filtre, c'est du plastique et des produits toxiques. Métaux lourds, goudron, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est une pollution actuellement, durable. Voilà. Actuellement, il y a les négociations. Vous savez, il y a un round de négociations sur le traité plastique qui est à l'UNESCO à Paris actuellement. Et on demande l'interdiction de tous les filtres, en particulier plastiques, mais aussi biodégradables que proposera l'industrie du tabac, car il faut complètement abandonner l'idée que le filtre protège, il protège ni le consommateur, ni la planète. Et travail des enfants dans les champs, déforestation, monoculture qui conduit à l'utilisation de pesticides et d'engrais, consommation très importante d'eau, production de CO2. Qui correspond chaque année à 3 millions de vols transatlantiques. En effet, le bilan environnemental de cette industrie est salé. On parle justement de cette, de ce bilan environnemental. On sait que le tabac est impliqué dans plus de 80% des cancers du poumon, dans 70% des cancers de la bouche. Est-ce que savoir tout ça, Henri-Jean Aubin, est-ce que c'est dissuasif? Sans doute pas. Sans doute pas tant que ça. C'est vrai que les campagnes d'information, moi, je suis pas un préventologue, je dois reconnaître que c'est pas mon champ de compétence, la prévention, mais les campagnes d'information ont sans doute un impact, parce que sans information, il y a peu de raisons de faire cet effort pour arrêter de fumer, mais n'ont pas l'impact qu'on pourrait espérer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important, et je pense que Yves va bien en parler tout à l'heure, d'associer les campagnes de prévention basées sur l'information à toutes sortes d'autres mesures gouvernementales qui, toutes associées, vont avoir un impact sur la prévalence du tabagisme dans la population, sur la publicité, sur le paquet neutre, les informations qu'on autorise ou pas sur les paquets de cigarettes, sur l'autorisation de la vente de cigarettes aux mineurs. Il y a toutes sortes de mesures qui sont importantes et pour lesquelles on a pu, je pense, montrer que quand elles sont toutes combinées, on finit par avoir un impact. Je pense qu'Yves peut en dire beaucoup plus là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un chiffre intéressant dans la publication dans le BEH d'aujourd'hui, c'est que 60% des fumeurs souhaitent arrêter. Donc, on est face à une consommation où 60% des consommateurs disent « je n'ai qu'un souhait, c'est arrêter ma consommation ». Et la question, ben, pourquoi t'arrêtes pas ? Eh bien, parce que c'est une drogue dure, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça prouve bien quand même qu'il y a une imprégnation un peu... Les fumeurs savent, peu ou prou, ils ne savent pas toujours à quel point c'est dangereux, mais ils savent peu ou prou que c'est pas bon pour leur santé. Voilà. Mais ça, c'est un signe, c'est quand même quelque chose d'optimisme. 60% des fumeurs souhaitent arrêter. Et... quand vous êtes du côté, je reprends ma casquette CNCT, quand vous êtes du côté de l'industrie du tabac, vous vendez un produit dont vous savez que 60% des consommateurs veulent arrêter. Et ça, vous le supportez pas. C'est une perte du business. Donc, il faut réagir. Et c'est là que l'industrie, et je reviens sur le tabac chauffé, par exemple, tout à l'heure, propose des alternatives qui n'en sont pas, mais elle les propose comme des alternatives bonnes pour la santé, alors qu'elles ne le sont pas. On parle justement de ces campagnes dissuasives et vous venez d'évoquer aussi ce mot, hein, drogue forte. Il faut savoir que le tabac, c'est un produit au potentiel addictif particulièrement élevé. Dans le classement du potentiel addictif, le tabac arrive en tête, suivi par l'héroïne, la cocaïne, l'amphétamine, puis l'alcool. Henri-Jean Aubin, quelle est la spécificité du tabac sur le plan addictologique? Mais déjà, c'est vraiment important ce que vous dites, Natacha Triou, que dire que le tabac est la substance d'abus qui a le plus fort potentiel addictogène, je suis pas sûr que ça soit quelque chose de très connu, y compris très connu par mes collègues addictologues. Moi, j'ai le sentiment, donc je travaille dans le domaine de l'addictologie depuis vraiment très longtemps, que en dehors des pneumologues qui ont toujours eu un regard très très très disons inquiet sur le tabagisme, la plupart de mes collègues ont tendance à considérer que la substance sur laquelle il faut se pencher, c'est beaucoup l'alcool et les drogues illicites toutes confondues, et notamment les opiacés et les psychostimulants comme la cocaïne. Alors, juste pour réaliser ça, il suffit de regarder dans son entourage. Vous prenez quelqu'un, un consommateur. Alors dans son entourage, on ne voit pas toujours les consommateurs de cannabis ou de cocaïne. On voit les consommateurs d'alcool. Si vous prenez l'ensemble des personnes qui ont consommé une fois dans l'année, la majorité sont des consommateurs occasionnels d'alcool, de cannabis ou de cocaïne. Il y a une petite fraction des consommateurs qui sont des consommateurs quotidien. Et c'est exactement l'inverse avec le tabac. Si vous prenez toutes les personnes qui ont consommé une cigarette dans l'année, la grande majorité sont des consommateurs quotidiens qui ne peuvent pas envisager une journée sans fumer. Il y a eu des grosses études faites dans des grosses cohortes, alors aux États-Unis, qui ont, sur des grands nombres en population générale, ont regardé quel était le risque de développer une addiction après une exposition à une substance. Je pense que vous faisiez référence à ça tout à l'heure, Natacha. C'est avec le tabac que le risque de développer une addiction, une dépendance, est le plus élevé après une seule exposition, plus élevé qu'avec la cocaïne, plus élevé qu'avec les opiacés, que l'alcool et que le cannabis. Et inversement, ils ont regardé quelle était la probabilité d'être en rémission une fois qu'on avait développé une dépendance à un produit. Et là, vous l'avez deviné sans doute, c'est avec le tabac que la probabilité d'être en rémission est le plus faible et de très loin, et par rapport aux autres substances qu'on a citées tout à l'heure, et également la plus tardive. Donc c'est une substance qui accroche tout de suite, et c'est une substance dont on se défait difficilement. Mais comme vous dites, hein, parmi les substances addictives, c'est le tabac qu'on a le plus de mal à arrêter, mais qu'est-ce que ce tabac fait à notre cerveau pour qu'il soit difficile de s'en séparer? Alors le tabac a une action, quand la nicotine, c'est essentiellement la nicotine qui est responsable de la dépendance. Et la nicotine a un effet assez similaire, au fond, à l'effet des autres substances d'abus qu'on connaît. C'est surtout aux psychostimulants qu'elle ressemble plus, comme la cocaïne, les amphétamines. Ça libère la nicotine, donc se fixe au récepteur à l'acétylcholine de type nicotinique et induit une libération au niveau du système de récompense, de la dopamine, noradrénaline, également du glutamate, des bêta-endorphines, c'est quelque chose qu'on voit avec les autres substances d'abus. Ce qui a sans doute de particulier, c'est ce que vous avez évoqué au tout début de l'émission, la cigarette. C'est le véhicule de la substance inhalée qui est particulièrement efficace pour pouvoir amener la nicotine à sa cible dans le cerveau de façon massive et extrêmement rapide. L'autre point, il se trouve que la nicotine a une durée d'action très brève et l'effet s'épuise très vite puisqu'elle disparaît dans l'organisme assez rapidement. Et donc, il faut répéter très fréquemment l'administration. Et c'est pour ça qu'il y a des consommateurs de 10, 15, 20 et plus de cigarettes par jour. Alors face à ce désastre sanitaire et environnemental, quelles sont les solutions? Quelles sont les aides pour les personnes addictes? Quelles sont les politiques de lutte? Et sont-elles efficaces? On en parle dans quelques instants. Quand tu es dans la lune, les idées en panne, Je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. Vartan, 16h35 sur France Culture, car nous parlons de cette drogue dure qu'est le tabac. C'est la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. On en parle avec Henri-Jean Aubin, professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Saclay, avec Yves Martinet, professeur émérite de pneumologie à la Faculté de médecine de Nancy et président du CNCT. Durant le XXe siècle, le tabac a causé 100 millions de morts dans le monde entier, soit 6 millions de morts chaque année. Si rien ne change, ce nombre risque de s'élever à 1 milliard pour le XXIe siècle. Le tabagisme avait connu une baisse inédite en France entre 2016 et 2019. Nous venons de voir qu'à présent, ce tabagisme stagne. Nous venons aussi de dire que 60% des Français déclarent avoir envie d'arrêter le tabac. Yves Martinet, quelles sont les solutions les plus efficaces pour sortir du tabagisme ? Pour sortir du tabagisme, il faut attaquer le tabagisme par les deux bouts. D'abord, il faut aider les fumeurs à arrêter de fumer, parce qu'il y en a 60% qui veulent arrêter de fumer. Et puis d'autre part, il faut faire en sorte que les jeunes n'entrent pas dans le tabagisme. 90% des jeunes qui fument ont commencé avant l'âge de 18 ans. À partir du moment où on est conscient de ce fait, voici quelques propositions qui sont énoncées dans le cadre de la réflexion sur le prochain programme national de lutte contre le tabagisme. D'abord, augmenter l'âge légal d'interdiction de vente du tabac et des produits de la nicotine aux mineurs, non pas de 18 ans, mais de 21 ans. Et ça permettra d'éviter un grand nombre d'entrées dans l'addiction à la nicotine. Mais pour cela, il faudrait aussi que les lois en France soient appliquées. Or, actuellement, les buralistes ne respectent pas, dans leur grande majorité, l'interdiction de vente aux moins de 18 ans. Et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui se dit ministre des buralistes, devrait s'intéresser à ces buralistes qui ne respectent pas la loi. Donc déjà, deux mesures importantes. 21 ans avec des contrôles. Augmenter les taxes de 10%, en sorte que les prix des paquets soient augmentés de 10% par an. Ça, c'est extrêmement efficace, c'est ce qu'on appelle l'élasticité, et c'est extrêmement efficace sur les jeunes, parce que c'est eux qui ont le moins d'argent. Ensuite, interdire les produits de la nicotine qui n'ont pas lieu d'être vendus, comme les puffs, vous savez, les cigarettes électroniques jetables. Mais on connaît bien les puffs, mais on ne connaît pas les pouches, c'est des petits sachets de nicotine avec des fibres végétales qu'on met dans la bouche et on s'administre de la nicotine. Mais maintenant, il y a aussi les pop, les nicopop, qui sont des petites billes de nicotine qu'on va sucer. Donc, interdire tous ces produits et tous les arômes. Et puis, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, interdire les filtres, parce que le filtre rend la fumée de cigarette moins âcre, moins irritable et facilite l'entrée dans le tabagisme des jeunes. Donc voilà 5 mesures qu'on peut proposer pour faire en sorte que les jeunes n'entrent pas dans la consommation de tabac. Et à propos de cigarettes électroniques, alors c'est pas tout à fait les puffs, mais les cigarettes électroniques sont souvent présentées comme une solution pour arrêter de fumer. Peut-être qu'elles sont en fait une entrée vers la consommation de cigarettes. En tout cas, la recherche consacrée à ces cigarettes électroniques semble être une sorte d'angle mort de la recherche en santé publique. Pourtant, plusieurs programmes de recherche en France, notamment, commencent à y être consacrés. Ils sont pilotés notamment par l'Institut National du Cancer, où vous vous êtes rendu pour le reportage du jour. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai rencontré Jérôme Foucault, qui est le responsable du département recherche en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique à l'Institut National du Cancer, l'INCa. Il nous décrit les principaux axes de recherche scientifique en lien avec les usages de la cigarette électronique en France. Il met également en lumière les points sur lesquels on peut aujourd'hui parler de consensus scientifique concernant les cigarettes électroniques et les points pour lesquels il reste encore des études à mener pour parvenir à des résultats robustes. Première grosse question qu'on va avoir, ça va être des questions autour de la prévalence de l'usage. Qui sont ces utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils en font? Donc pas mal de travaux au niveau européen. Voilà, on voit très clairement que les personnes qui vont essayer, ça augmente de façon importante. On a pratiquement 2 points qui ont été pointés entre les 2 dernières études de Santé publique France. On observe surtout que le fait de tester en fait cette cigarette électronique va se développer, c'est bien sûr beaucoup développé chez les jeunes par rapport aux plus âgés. Il faut que vous ayez en tête que par exemple plus d'une personne sur 2, c'est-à-dire aux alentours de 54% des personnes âgées de moins de 24 ans l'ont essayé. Et on s'aperçoit très clairement aussi qu'en termes d'usage régulier, c'est-à-dire les personnes qui vont l'utiliser fréquemment, là aussi il va y avoir une augmentation qui va être relativement importante. À l'heure actuelle, on serait à 7,5% d'utilisateurs réguliers. Si jamais vous regardez sur les moins de 24 ans, on n'est pas très loin des 9%. Donc ça, c'est un premier bloc de recherche sur lequel, en fait, on voit qu'on a des travaux qui nous permettent d'avoir une idée très claire de la situation. Et aussi au niveau européen, avec une étude qui s'appelle l'Eurobarometer. C'est plutôt en fait quelque chose qu'on va retrouver de façon plus développée à l'ouest de l'Europe. C'est-à-dire que les leaders en termes de prévalence et d'usage régulier, c'était les Irlandais, avec un peu plus de 7%. À l'heure actuelle, ça serait plutôt les Français. Plus vous allez vers l'Est, plus finalement, en fait, la prévalence va se réduire. Si on doit synthétiser, l'usage augmente de façon importante. On est à moins de 10%, c'est sûr, mais ça augmente de façon importante. Le deuxième bloc de questions, c'est cette fameuse question de la trajectoire des usagers. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, est-ce que c'est un outil pour rentrer ou pour sortir de l'addiction? Est-ce que finalement, c'est plutôt un outil qu'on va utiliser pour arrêter de fumer, ou est-ce que c'est plutôt un outil avec lequel vous allez peut-être pouvoir démarrer les addictions? À l'heure actuelle, on n'a pas assez de données là-dessus. La majeure partie des travaux sont des travaux américains, pas tout à fait comparables avec ce qu'on a en France. Et là, en fait, on va avoir vraiment besoin de travaux importants. Comme je vous l'ai dit, une des préoccupations qu'on a ici, c'est surtout les personnes qui n'ont jamais fumé et qui vont l'utiliser. Donc ça, c'est vrai que c'est une préoccupation importante. Autre bloc de questions, un peu le troisième bien sûr, c'est cette question de l'impact sur la santé. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui cherchent à identifier la nocivité de la cigarette électronique en comparaison avec le tabac classique, tabac traditionnel, la cigarette ou alors le tabac chauffé. Bon là, concrètement, les données sont unanimes. Si vous comparez la nocivité, la toxicité de la cigarette électronique par rapport à la cigarette conventionnelle, c'est sans commune mesure. Bien évidemment, elle est beaucoup moins toxique parce qu'il n'y a pas de combustion, surtout cette combustion qui est extrêmement carcinogène. Là, ici, voilà, si vous comparez avec le tabac à chauffer, là encore, la toxicité est moindre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. Voilà, si vous comparez par rapport à rien, bien évidemment, le rien est quand même nettement mieux, incontestablement. Beaucoup de recherches aussi sur les composés des liquides et leur impact sur la santé. Tous ces produits ne sont pas forcément comparables. Dans certains produits, il peut y avoir notamment des additifs qui peuvent poser problème. Le caractère addictif de ce produit-là, bien évidemment, la nicotine reste un produit addictif. Et également, quelle va être la potentialisation, c'est-à-dire l'effet catalyseur, l'effet qui va pouvoir augmenter cet effet addictif de certains arômes. Grosse question autour des arômes mentholés, qui est au cœur de beaucoup de préoccupations. Et bien sûr, l'exposition à long terme de ces produits, mais qui est quand même délicate à montrer, parce qu'on va beaucoup trouver sur ces études-là des modèles murins. Et bien évidemment, les mécanismes d'exposition ne seront pas les mêmes. On va pouvoir exposer dans ces modèles murins à de la vapeur extérieure, mais pas directement inhalée, parce que ce n'est pas possible, bien sûr, de le faire. Et puis également le lien, bien sûr, avec d'autres pathologies, des pathologies respiratoires, et quelques études également sur le cancer. Quatrième bloc de questions, quatrième bloc de recherche qui se développe aussi bien évidemment, c'est ses travaux sur la perception, mais ça peut-être qu'on y reviendra, sur son efficacité sur le sevrage tabagique, là aussi on va soutenir des projets de recherche là-dessus, sur les enjeux autour du marketing, qui sont ciblés, comment ça se passe finalement, comment en fait les industriels vont pouvoir se positionner sur ces questions-là, bien évidemment. Les questions des réglementations nationales européennes qui sont au cœur de beaucoup de préoccupations. Et comme je vous disais, l'Institut National du Cancer est très impliqué sur le sujet. On a vraiment à cœur d'être présent sur les grandes manifestations internationales et scientifiques pour présenter, bien sûr, aussi nos réflexions et également essayer de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau international et mondial. Et les derniers travaux qui ont été présentés sur des colloques américains montrent qu'un sujet qui est en train d'émerger, c'est la question de l'économie de cette industrie et aussi l'impact économique, social et environnemental. C'est-à-dire, on sait très clairement qu'en fait, la dégradation d'un mégot de cigarette, c'est une douzaine d'années. Mais quid de ces nouveaux dispositifs? Comment sont-ils recyclés? Que fait-on du plastique? Où ça s'en va? Qui s'en occupe? Voilà, ce qui sont des vraies questions qui sont en train d'être posées. Et bien sûr, c'est des questions qui ne se posaient pas il y a une dizaine d'années. Merci Antoine Beauchon pour ce reportage. Henri-Jean Aubin, une réaction à ce qu'on vient d'entendre sur les enjeux de la recherche en santé via l'usage de la cigarette électronique? Oui, ça faisait plaisir d'entendre ce panorama des recherches menées par l'INCa et coordonnées par Jérôme Foucault. Oui, j'ai plusieurs commentaires à propos de la tension entre l'impact de du vapotage sur l'entrée au tabagisme chez les jeunes et la sortie du tabagisme, pour dire qu'en effet, il y a la plupart des études n'ont pas été faites en France, elles ont été faites aux États-Unis et montrent clairement, enfin il y a plusieurs méta-analyses qui ont été publiées, montrent clairement que un jeune qui expérimente la cigarette électronique, augmente son risque de devenir fumeur. Ce qui, aux États-Unis, est pris très sérieusement parce qu'il y a eu une baisse du tabagisme chez les jeunes beaucoup plus importante que chez nous au cours des dernières années. Et il y a une peur d'une inversion du phénomène par le biais de l'adoption trop importante de la cigarette électronique chez les jeunes. Et nous, on a fait une étude, enfin, avec des collègues que nous avons publiés à partir des données de l'escapade que citait tout à l'heure Yves Martinet, chez ces jeunes de 17 ans, où on a montré curieusement que, alors c'est une étude qui a beaucoup de limites dans la mesure où elle est rétrospective, c'est juste des questions posées à l'âge de 17 ans, mais on a trouvé plutôt l'effet inverse, que les jeunes qui avaient expérimenté la cigarette électronique avaient une probabilité, en premier, avant d'expérimenter éventuellement le tabac, avaient un risque augmenté, à diminuer de devenir fumeurs réguliers que ceux qui avaient commencé par expérimenter le tabac plutôt que la cigarette électronique. J'ai un autre commentaire sur la question de la nocivité potentielle du vapotage, parce qu'on regarde évidemment toujours l'exposition aux toxiques qu'on compare avec la cigarette et puis qu'on compare à pas d'exposition du tout. Il y a moins de toxiques en général qui sont absorbés quand on prend quand on vapote plutôt que quand on fume. Mais là, je vais parler devant un spécialiste du cancer du poumon, Yves Martinet. Mais quand on regarde le cancer du poumon et qu'on regarde ce qui est le plus déterminant dans le cancer du poumon, l'intensité de l'exposition toxique ou la durée d'exposition. Très clairement, c'est la durée qui compte, mais beaucoup plus, à la puissance 4,5. Donc 4,5 fois plus que l'intensité. Et donc, cette question de l'effet à long terme devient très très importante. Je ne sais pas quelle est la toxicité à long terme, mais on ne peut pas l'extrapoler directement à partir de la mesure de l'exposition aux toxiques en aigu. C'est mes commentaires principaux. Aussi peut-être sur le problème qu'il a, je crois, évoqué rapidement, le problème des doubles usagers à la fois de tabac et de cigarettes électroniques. Il y a quand même un contingent de personnes qui souhaiteraient arrêter de fumer et qui adoptent la cigarette électronique comme une stratégie pour y arriver, mais qui gardent une consommation de tabac. Et ça, malheureusement, jusqu'à présent, les études montrent qu'ils ne se protègent absolument pas. Il n'y a pas de réduction des risques quand on continue à consommer les deux. Et il faudrait vraiment encourager ces personnes à aller jusqu'au bout et arrêter totalement le tabac. Yves Martinet, je vous fais réagir à ce que vient de dire Henri Jean Aubin sur cette toxicité. On dit souvent que c'est moins dangereux la vapote que le tabac fumé, mais est-ce que c'est scientifiquement avéré ? C'est vraisemblablement moins dangereux. À nouveau, sur le court terme, ce qui a été parfaitement expliqué, mais sur le long terme, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas le recul. Et nous, les pneumologues, on sait, ce qui a été dit par professeur Henri-Jean Aubin, c'est que ce qui compte, c'est plus la durée d'exposition que la quantité d'exposition. Et puis, on a un autre pathogène qu'on connaît bien, qui est l'amiante. Les cancers de l'amiante surviennent au minimum 30 ans après l'exposition. Donc, on est extrêmement prudent. Je pense que le documentaire était extrêmement intéressant parce qu'il était mesuré. Et pour la cigarette électronique, il y a parfois un petit peu de la passion autour du débat, ce qui est parfois intéressant, mais souvent un peu stérile. Et j'insiste, et Henri-Jean, tu l'as dit et tu as raison, la majorité des fumeurs qui passent à la cigarette électronique continuent à fumer quelques clopes par jour. Ça n'a aucun bénéfice pour leur santé. Et ça, c'est une notion fondamentale qui ne passe pas, que le public ne connaît pas, qu'à l'évidence, les marchands de cigarettes ne signalent pas et que les marchands de cigarettes électroniques ne signalent pas non plus. Enfin, les fumeurs, ils voient un bénéfice direct en termes de finances. Ça leur coûte moins cher. Oui. À partir du moment où ils arrivent à réduire le nombre de cigarettes. Mais au point de vue santé, RAS. Oui, nos connaissances sur son impact sanitaire restent encore trop méconnues. Il faut attendre des données rigoureuses pour avoir un avis vraiment tranché. On arrive à la toute fin de cette émission. On a parlé des mesures efficaces à mettre en place pour la prévention. Henri-Jean Aubin, pour conclure, sur le plan du sevrage, qu'est-ce qui fonctionne pour conclure cette émission? Il y a eu, pour le coup, beaucoup d'études sur ce qui peut fonctionner dans l'aide à l'arrêt du tabac. Mon premier commentaire, c'est qu'il y a quand même pas mal de fumeurs qui arrivent à arrêter sans aide. C'est pas parce qu'on trouve pas d'aide ou qu'on a du mal à se présenter dans une consultation d'aide à l'arrêt du tabac qu'on peut pas y arriver. Deuxièmement, il y a toutes sortes de mesures, disons, psychologiques que peuvent entreprendre les professionnels de santé qui ont montré une efficacité réelle, assez importante, qui joue sur la motivation. Et ça me fait penser qu'en effet, l'émission va arriver à sa fin. On n'a pas parlé des bénéfices de l'arrêt. C'est pourtant le message sans doute essentiel. Il y a des bénéfices majeurs quand on arrête de fumer et qui sont sur les risques pour la santé, qui sont sur le fonctionnement psychique et qui est très amélioré. Mais c'est donc dans le travail motivationnel, on va beaucoup travailler sur les bénéfices attendus. On va éviter de dédramatiser. Fréquemment, il y a eu des tentatives antérieures et des échecs. Des personnes qui ont arrêté effectivement de fumer pendant plusieurs semaines, mais ont repris. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, on arrive vraiment à toute fin. Ah d'accord. Bon, alors on travaille sur la motivation, on travaille sur les croyances, comment gérer les envies à part des stratégies de pleine conscience par exemple. Et puis il y a des médicaments, vous savez sans doute qu'il y a la substitution nicotinique, il y a beaucoup de produits qui sont proposés. Et il y a deux autres médicaments mais qu'on a du mal à trouver actuellement. Voilà, et en tout cas tout ça en plus est pris en charge par l'assurance maladie depuis 2019 et les bénéfices sont immédiats sur la santé. Merci à vous deux de nous avoir accompagné tout au long de cette heure et nous a fait prendre conscience que l'épidémie tabagique n'est pas une fatalité. C'est l'heure de retrouver Étienne Klein et le pourquoi du comment. Théorie physique versus Big Data, qui va l'emporter? En juin 2008, Chris Anderson publiait un article intitulé « La fin de la théorie, le déluge des data rend la méthode scientifique obsolète ». Il y défendait l'idée que lorsque nous disposerons de suffisamment de données, les corrélations qu'elles dévoileront remplaceront les relations de causalité que manifestent les lois théoriques. La science changerait alors de visage et même de squelette, puisqu'elle pourrait se développer sans plus énoncer d'hypothèses, ni même devoir forger des théories explicites. En d'autres termes, grâce aux big data et aux algorithmes qui les analysent, nous pourrions délaisser le geste théorique par excellence, celui qui consiste à énoncer des hypothèses, portant bien au-delà des données disponibles. Petite note au passage. Chris Anderson fut peut-être encouragé de façon subliminale à développer sa thèse par le fait que les données pertinentes ont pour anagramme « détiennent les réponses ». Mais ce n'est pas sûr, car il ne parlait qu'anglais. Plus sérieusement, la façon de faire de la physique de Galilée et d'Einstein, c'est-à-dire de théoriser en marge des données, pour mieux y revenir, serait-elle en passe d'être dépassée, ringardisée, abandonnée? Pour tâcher d'y voir plus clair, repartons du cas Einstein. Que savait-on sur l'univers en 1915, lorsqu'il publia sa théorie de la relativité générale? Bien peu de choses en comparaison d'aujourd'hui. On ignorait par exemple l'existence d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent, ni que l'univers est en expansion. Or, les équations d'Einstein ne se sont pas seulement accommodées de la quantité gigantesque de données recueillies depuis un siècle par les télescopes et par les satellites, elles ont aussi permis de fonder une véritable cosmologie scientifique, capable d'envisager l'univers comme un objet physique en soi, doté de propriétés qui le caractérisent en tant que lui-même. De façon encore plus spectaculaire, certaines solutions de ces équations ont permis à Einstein lui-même de prédire dès 1916 l'existence de phénomènes physiques parfaitement inédits. Les ondes gravitationnelles, sortes de vibrations de l'espace-temps se propageant à la vitesse de la lumière, lesquelles ne furent détectées pour la première fois qu'en septembre 2016. Ce résultat remarquable démontre qu'une théorie peut non seulement enrichir l'univers des données, mais également agir comme un treuil ontologique, capable de faire apparaître de nouveaux éléments de réalité qui, sans elle, seraient sans doute restés ignorés. En d'autres termes, et jusqu'à preuve du contraire, la théorie en dit plus que les données, notamment parce qu'elle explicite des lois que les données n'illustrent jamais que de façon partielle. Et surtout, songeons à l'image diffusée en mai 2022 de Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif qui trône au centre de notre galaxie, à 26 000 années-lumière de notre planète. Sans l'appui des équations de la relativité générale, il eût été impossible, d'une part, de prévoir l'existence générale des trous noirs, d'autre part, de devenir capable de détecter et d'identifier ce trou noir particulier. En effet, il ne s'agit pas stricto sensu d'une photographie du trou noir qu'on aurait pu découvrir par hasard en pointant sur lui quelques télescopes, puisqu'un trou noir n'émet pas de photons. Il s'agit bien plutôt d'une image qui n'a pu être reconstruite que parce que les équations d'Einstein indiquent comment un tel objet se comporte. Ces équations agissent ainsi comme un véritable sésame cosmique. Elles permettent de comprendre les données disponibles et indiquent comment en recueillir de nouvelles. Livrons-nous à présent à une expérience de pensée en inversant l'ordre chronologique. L'histoire commencerait avec toutes les données dont nous disposons aujourd'hui, mais la théorie de la relativité générale n'aurait pas été découverte. Question : serait-il possible, par une sorte d'induction permettant de passer des données empiriques aux lois théoriques, de découvrir les équations d'Einstein ? Jusqu'à preuve du contraire, il faut considérer que non. La réponse personnelle d'Einstein à cette question aurait en tout cas été négative. Dans une lettre adressée le 24 avril 1930 à son ami Maurice Solovin, il écrit « Aucune méthode inductive ne peut conduire aux concepts fondamentaux de la physique ». Fin de citation. Il précisera encore sa pensée quelques années plus tard, lors d'une conférence donnée à Oxford, avant de quitter définitivement l'Europe pour l'Amérique. « L'expérience, dit-il, peut nous guider dans notre choix des concepts mathématiques à utiliser, mais il n'est pas possible qu'elle soit la source d'où ils découlent. C'est dans les mathématiques que réside le principe vraiment créateur. » Fin de citation. L'avenir nous dira qui, de Chris Anderson ou d'Einstein, a raison. En attendant, continuons de laisser faire le cerveau humain qui jusqu'ici n'a pas eu d'égal pour percer le mur des apparences. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.